Vous êtes le 22 mai 2015, et c'est nuisance. Il est 21h20 sur l'horloge Canal Sudienne, et ici, c'est... There is something going on, we just don't know what it is. It's the whole goddamn same old thing again. I just don't know what it is. It's just going on, never stopping. It's insane. It's insane. It's goddamn insane, man. It's going insane. It's not like everything I say means anything anymore, you know? It's not like anything that we say means anything anyway. It's like the whole goddamn thing, the whole fucking time, the whole goddamn fucking time. It's the whole goddamn same fucking thing. Over and over again. It's hell. It's miasmic. C'est miasmic. C'est l'enfer. C'est un miasme de folie, un miasme de tangente, un masque de tangentiel, un miasme démasqué, démasqué par la purulence et la pestilentielle, pestilentielle, pustulance. Allez-y, allez en boîte là, allez au Shanghai, allez vous bourrer la gueule, vous êtes que de la merde pour moi, je vous déteste. Écoutez la radio en prenant votre voiture, votre Audi. Et claquez-la contre un poteau, claquez-la contre un poteau, votre Audi à 2500 euros par mois pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Putain, 10 ans. Alors que la dernière fois, il n'y avait personne. Il n'y avait personne là, hein, pour m'aider par terre quand je crevais la dalle. Et que j'en avais rien à foutre de personne parce que je crevais la dalle. Il n'y avait personne. T'entends ? Personne. Et là, il y a quelqu'un. Mon cul, ouais, y'a personne non plus. Rien n'a jamais changé sur cette basse terre humaine. Humainement débilitante. Je m'encule à sec. Et vous, vous le méritez même pas. Allez-y en boîte, boire votre coca et votre Red Bull et votre vodka. Défoncez-vous la gueule. La prohibition, c'est pour vous. On vous l'offre, on vous encule, les prohibitionneurs, les prohibitionneuses. Allez-y, mourrez en enfer. Vous savez ce que c'est l'enfer ? C'est vous. Allez-y, mourrez en vous. Mourrez de vous en vous. Vous êtes mort déjà. Déjà mort que vous êtes. Et c'est toujours la même chose. Toujours encore la même chose. L'enfer. Et l'enfer, c'est vous. Alors allez-y au Shanghai. Allez-y, vous mourrez la gueule en boîte, au hangar, en teuf. Faites la fête, c'est bien faire la fête, se bourrer la gueule, se défoncer la gueule, baiser, hein? Vous êtes des morbides morts. Vous êtes même pas nés morts. Vous êtes morbides morts. Grave. Vous êtes déjà morts pour moi. Allez-y en boîte, buvez votre sang de teucha et votre vodka et votre Red Bull et votre coca. Et pendant ce temps-là, vous êtes morts, tous déjà morts, que vous êtes nés déjà morts. L'enfer sur terre, vous connaissez, c'est vous. C'est pas moi, non, c'est vous. Nuisance. C'est vous, nuisance. Quoi ? J'en ai rien à foutre. poubelle la vie. J'ouvre la poubelle de la vie. J'écris à voter. À voter la poubelle. Nuisances. Fuck off, pieces of shit. Pieces of fucking goddamn motherfucking asshole shit. Full of it, full of it. Go damn yourselves, goddammit. You got nothing else to say? Go damn yourself, you stupid fuck. Surgelé, voilà ce que je suis. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire je? Telle est la question. Je n'ai jamais eu si froid. Quelle chance que je ne sache pas ce que c'est que je. Moi, qui? Un glacier. Est-ce que les icebergs ont des trous? Je suis un chou-fleur hivernal sous les rayons du soleil. Le printemps. Tout fond à présent. Surtout moi. Dans la bouche, un glaçon. Ou peut-être une langue. C'est pourtant bien une langue. Elle me torture, me roule, me brise, me broie. Et même, semble-t-il, me batte. Je suis étendu sous une bâche en plastique au-dessus de moi, des lampes. Voilà donc où m'est venu ce chou-fleur de cerf. J'ai dû divaguer. Du blanc, partout du blanc. Mais ce sont des murs, pas de la neige. Ils m'ont décongelé. Pas gratitude, j'ai décidé d'écrire mon journal dès que je pourrais tenir une plume dans mes doigts engourdis. Sous les yeux, j'ai toujours des arcs-en-ciel de glace et des éblouissements bleus. Il fait un froid sibérien, mais je peux déjà me réchauffer. Je serais déjà mort, moi. J'en ai rien à foutre. Je serais déjà mort en 2033. Pas sûr, peut-être qu'il y a des choses dans les aliments qui fait qu'on sera éternel. Tu veux dire eux? C'est eux, c'est leur faute, c'est ça? Si je serais pas mort, si je serais pas mort en 2033, si je suis pas mort, c'est leur faute? C'est ça que tu veux dire? C'est la faute à mes parents, à mes vieux, c'est ça que tu veux dire? Comme Freud, il dit toujours libido, libido, c'est ça, hein? C'est la faute à mes vieux? C'est la faute à mes vieux si je suis vivant en 2033? Merde alors. Merde alors. Pas de gros mots. Mais pas de gros mots. Non, pas les feuilles. J'ai plus de feuilles. Ça, c'était ouais. Feuilles. Non, c'était feuilles. Ah, ok. Et ça, c'est une autre paquet de tabac. Alors, c'est... pendant 12 désolé, ans. Je viens de l'accuser de rien. Pardon, je m'excuse. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Je suis d'un 12 ans d'âge. 12 ans? C'est pas sérieux, 12 ans? C'était pour voir, c'était chez Mais non, ouais. Le cheddar, c'est un fromage écossais. Un pays où il fabrique de whisky. C'est que des trucs. Le cheddar, j'avais du whisky, c'est bon. Du coup, tu veux du boire du whisky, 12 ans d'âge avec du cheddar. Non, c'est vrai. C'est intéressant. Les Anglais et les Français se sont. Mmh. J'en ai rien à foutre du cheddar. J'en ai rien à foutre du tché. Moi, ce que je veux, c'est un gros dard. C'est tout. Alors, une opération chirurgicale, monsieur le docteur, s'il vous plaît, quoi. Je voudrais une certaine opération pour me réduire le dard. Ha ha. Eh ben non. D'abord, c'est toi le tché, le dard? Est-ce que dard, tu es tché? Tché dard? Tché? Dard? Dard tché? Dard tché? Arber, arbar. De lard dont fumer, toujours par le cul, j'ai bien digéré, et j'ai toujours pas faim. Comment je fais pour manger? C'est fini ça, le bon vieux temps où je mangeais, j'en ai plus rien à foutre. Je suis un lard dont fumer, j'ai lard, j'ai le don dont je fume. Personne t'a entendu, tu veux bien répéter s'il te plaît? L'agia inefficace. L'original était meilleur. Ça a sonné comme une claque. Ça nous a fractionné. Pieds dans la fac. Âme sonnée par le son, tu sais si tu connais. Pas le bon pour les cons. Thank you. 6€ le tabac. Si vous voulez m'appeler, mon téléphone c'est le 01 02 03 04 05. Je répète, le 01 02 03 04 05. Si vous souhaitez du tabac frelaté et du recel de mauvais objets puants, c'est moi qu'il faut contacter. C'est-à-dire des objets non volés, quoi. Mais bien cher en tout cas. Je vous fais payer 80€ l'objet, quoi. Minimum. Vous m'entendez? Parce que j'ai quelque chose à dire vraiment. Oui, oui, lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation. Utilisez votre bouilloir que pour faire chauffer de l'eau potable. Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur reliée à la terre ou sur une rallonge électrique avec prise de bien. L'emploi de prises multiples est déconseillé. N'utilisez pas la bouilloire lorsque vous avez les mains mouillées ou les pieds nus. Veillez à ne pas poser la bouilloire et son socle sur une surface chaude, telle qu'une plaque chauffante, ni à l'utiliser à proximité d'une flamme nue. Retirez immédiatement la prise secteur si vous constatez une anomalie quelconque pendant le fonctionnement. Toujours vigilant lorsque l'appareil est en marche, en particulier faites attention à la vapeur sortant du bec qui est très chaude. Attention également, le corps des bouilloires en inox devient très chaud pendant le fonctionnement. Ne touchez pas à la bouilloire autrement que par la poignée. Ne touchez jamais au filtre ou au couvercle lorsque l'eau est bouillante. Ne déplacez jamais la bouilloire en fonctionnement. Notre garantie exclut les bouilloires qui ne fonctionnent pas ou mal et fait de l'absence de détartrage. Protégez l'appareil de l'humidité et du gel. Si votre appareil a subi un dommage, s'il ne fonctionne pas correctement, il est conseillé de le faire examiner, excepté pour le nettoyage et le détartrage selon les procédures du mode d'emploi de l'appareil. Toute intervention sur l'appareil doit s'effectuer par un centre agréé. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, c'est Nuisance. Nuisance, l'émission qui est innocente, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Vous écoutez Nuisance, Nuisance, l'émission qui est innocente, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Non, je n'ai pas perdu mon bullshit. J'ai perdu ma tête. Dans une poubelle. Une poubelle verte, pour vous rassurer. C'est du biodégradable. J'ai pas de tête. Balles 10 gouttes, mec, c'est putain d'affaires quoi. 10 gouttes de quoi? Je sais pas, de pisse peut-être. Mais j'en sais rien, merde quoi, merde. LSD, ah j'aime le LSD, ouais, c'est bon le LSD pour rester coincé, rester kéblo, rester boudant et ne rien faire de sa vie. C'est bon, c'est comme le cannabis, ça aussi j'aime pour ne rien foutre de ma vie. C'est triste, le cannabis et le LSD c'est de la merde. Je me déteste tellement, tellement, je préfère l'alcool. J'aime l'alcool, donnez-moi à boire s'il vous plaît, à boire. J'aime l'alcool. L'alcool, c'est bon comme produit, ça. Ça, c'est un bon produit, l'alcool. Probablement duré 3 semaines. Cela n'a pas été sans difficulté. Je suis au lit et j'écris. Ma chambre est grande le jour et petite le soir. De jeunes et jolies femmes s'occupent de moi. Elles ont le visage protégé par des masques d'argent. Quelques-unes n'ont pas de sein. Je vois double, bien le médecin, mon chef à deux têtes. La nourriture est tout à fait ordinaire. bouillie de semoule, brioche, lait, flocons d'avoine, beefsteak. L'oignon est un peu trop grillé. Je ne vois plus les glaciers qu'en rêve, mais ces rêves reviennent avec une cruelle obstination. Je gèle, ma glace me réfrigère. Tout neigeux et crissant du soir au matin, les bouillottes et les compresses n'y font rien. Le meilleur remède, c'est encore un peu d'alcool avant de m'endormir. Ces femmes sans sein, ce sont des étudiants. À part cela, impossible de différencier les sexes. Ils sont toutes grands, beaux, toujours souriants. Je suis faible et capricieux comme un enfant. Un rien mérite. Aujourd'hui, après la piqûre, j'ai enfoncé l'aiguille dans le postérieur de l'infirmière en chef. Mais elle n'a pratiquement pas cessé de me sourire. Par moments, j'ai l'impression de m'en aller à la dérive sur mon glaçon, je veux dire mon lit. Il me projette sur le plafond des lapineaux, des fourmis, des vaches, des vers et des petits cafards. Pourquoi je reçois aussi un magazine pour enfants? Une erreur. Domestique seulement. Elle n'a pas été conçue pour être utilisée dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie. Dans des coins de cuisine réservés au personnel, dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels. Dans des fermes. Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel. Dans des environnements de type chambre d'hôtes. Éloignez la bouilloire et le câble d'alimentation de toute source de chaleur, de toute surface mouillée ou glissante, d'angle vif. Utilisez toujours le filtre lors des cycles de chauffe. Votre bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le couvercle verrouillé et le socle qui lui est associé. Ne mettez pas l'appareil sur le sol, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. N'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau bouge. Nettoyez votre bouilloire, débranchez-la, laissez-la refroidir et nettoyez-la avec une éponge humide. Ne plongez jamais la bouilloire, son socle, le fil ou la prise électrique dans l'eau, les connexions électriques ou l'interrupteur ne doivent pas être en contact avec l'eau. N'utilisez pas de tampon abrasif. Pour nettoyer le filtre amovible est constitué d'une toile qui retient les particules de tartre et les empêche de tomber dans votre tasse lors du versage. Ce filtre ne traite pas et ne supprime pas le calcaire de l'eau. Il préserve donc toutes les qualités de l'eau. avec de l'eau tricalcaire, le filtre sature très rapidement. Il est important de le nettoyer régulièrement. S'il est humide, passez-le sous l'eau. Et s'il est sec, brossez-le doucement. Parfois, le tartre ne se détache pas. Procédez alors à un détartrage. Et on n'a pas encore parlé de la merde, alors je suis là pour ça, moi. Al est là pour ça, Al est là. Elle est là pour parler de la merde. Donc la merde, on va parler en soirée, de la merde en soirée. Et en fait, en soirée, la merde, c'est aller en boîte, boire de la vodka et de la Red Bull, et se foutre ça dans le god, dans les chiottes, et tout le temps boire du sang menstruel, pendant qu'on se fait enculer, et on est contente, on est content d'être là, d'être vivant, parce qu'on souffre, on souffre vraiment de se prendre des bites. De donner des bites aux gens. Alors du moment qu'on chie dans les chiottes à côté ou pas, on se torche le cul. Et quand on n'a pas fini, on se torche pas le cul quand même parce qu'il est 22h. 22h sur Canal Sud, 92.2 FM, canaltude.net, c'est nuisance. Nuisance, c'est mission qui n'a au sens, c'est mission qui n'a aucun sens. Et on s'encule toujours. Toujours la même chose. On se prend, on se retourne et on s'encule. C'est toujours ça la même chose avec la bouteille de vodka et la Red Bull. On se prend la bouteille de vodka dans le cul et la bouteille de vodka de Red Bull dans le cul. Et là on en a marre et on chie du cul. On chie du cul, des spongieuses, masse, incolore et uniforme, toujours les mêmes, des choux-fleurs. On chie du chou-fleur en bouffant des gratins. J'en ai marre. En mangeant du gratin, il y en a marre. Et c'est ça ce gratin, c'est ce gratin là que je vais aller voir en boîte et aller voir en concert, aller voir à la télé, j'en ai rien à foutre moi. Je vous encule tous, vous êtes de la merde pour moi, vous les stars. Et vous vous faites enculer par vous-même, vous êtes vraiment teubés, les stars c'est de la merde. Les stars, c'est de la merde. Ouais. De la merde. Fuck les stars. Les enculés secs, elles viennent me voir les stars. Je les bute moi. Je suis plus fort que ça moi. Je suis plus fort que star. Je suis un pauvre con. Moi j'ai pas d'ambition. Moi je suis qu'un pauvre con moi. Je n'ai rien à foutre des stars. Je les enculés secs et je les bute moi avec ma grosse bite. Ma petite bite. Je suis un pauvre con. M'encule à sec. Ouais. Je crois. Hervé Bazin a dit, comme d'autres, merde, fichier, putain, merde, fichier, ah non, ah non. Pas ça. Mais pas ça. Pas lui, tout mais pas elle, tout mais pas ça. Paraît-il, est égal à la mort. La morbide mortifère mort. C'est à ce moment-là précis que j'ai remarqué qu'il n'y a rien. Rien qui ne puisse se faire. Ce. C'est bien ça le commentaire qu'il fallait pas faire. Merde. C'est la merde maintenant. On va tous crever. Et ça, c'est sûr. Nous avons rompu. Sur sa paume tendue, elle m'a offert deux pilules, une noire et une blanche. C'est à moi de décider laquelle elle devait avaler. Elle n'est donc pas capable de prendre une décision naturelle, sans substance psychimique. Mais quand il s'agit d'une affaire de cœur, c'est si important, je n'avais pas voulu choisir. Nous nous sommes disputés et alors elle a encore envenimé la querelle en absorbant du récriminol. Elle m'a accusé à tort en absorbant de m'être gavé d'invectamine. Ce sont propres des paroles, ces instants ont été déchirants, mais je suis demeuré fidèle à moi-même. À partir d'aujourd'hui, je mangerai seulement à la maison et uniquement les plats que je préparais tout seul. Plus de rêvage, ni de paradisiaque, ni de gelée, luxterminé. J'ai détruit tous les édonisiaques. Je n'ai besoin ni de progestérone, ni de d'ordoxine. Derrière la vitre, un grand oiseau aux yeux tristes. On regarde dans ma chambre, un oiseau tout à fait bizarre, monte sur roue. L'ordinateur prétend qu'il s'appelle une paire d'Erix. T'as dit là, c'est à moi que tu parles. Ah ouais, t'as trop raison, mec. Dis-leur la vérité sur leur boîte de merde et leur alcool pourri et leur Red Bull chimique. Dis-leur qu'ils sont cons comme des fions. Bon, d'accord. Vous êtes cons comme des fions de croire à votre alcool merdique et votre Red Bull chimique, votre vodka Red Bull chimique de merde. Ah. Fais-moi les malins maintenant. Fais-moi les malins. Mais non, je suis pas bourré moi. Alors vous faites pas comme ça. Ouais. Parfait. Voyons quels sont les dérivés du mot jambe. Jambeux, jambourg, éventuellement jambourbattant, jambin, jambule, jambardé et jamboulé. Rejambeur, déjambulé, jambidrext, sans jambage, jambarque et jambriologie. Vous voyez bien, nous avons là un élément particulier fécond, jambriologie et jambriologiste. Mais que veut dire tout ceci? Ces mots n'ont aucun sens. Voilà, les pertes du sens. Ah, j'ai rien compris, je suis trop bourré. Vive l'alcool. Vive la bibine. Que la muse ne me quitte pas. C'est même l'enfer. Qu'est-ce qui se passe? Mes mots sont sans visée, je pars. Et pars parsemé sur un fil parler juste au-dessus du vide. Et c'est là que c'est la parole. T'entendras si tu me suis visée, je pars. Qui prend le sens dans le cul. Le bruit de tes pas parlait sur la trace d'un musique brisée. Pourquoi? Sous les brumes de l'époque. Qui prend le sens dans le cul. Le bruit de tes pas parlait sur la trace d'un musique brisée. Le cœur se dure. Pourquoi? Les morts à morceaux. À les brumes de l'époque. Qui prend le sens dans le cul. Le bruit de tes pas. Non, dis pas ça, merde. Peut-être au mille. Non! C'est sans compter, je les égrène. Le bruit de tes pas. Non, dis pas ça, merde. Non! L'histoire se répète. Le diable se pavane. Chaque jour, l'innocence assassinée pendant ces temps-là. Non! Dans les palaces et au ciné, c'est le champagne que l'on sabre. Le diable, le bruissement au loin. Chaque jour, là-bas, l'innocence assassinée. Et le silence en palace. Non! Dans les palaces et les cendres, c'est le champagne que l'on sabre. Le bruissement au loin, je l'avance. C'est le silence en palace. C'est le cri d'une époque brillée. C'est le cri d'une époque brillée. Le bruissement au loin, je l'avance. C'est le silence en palace. C'est le cri d'une époque brillée. C'est le cri d'une époque brillée. Le bruissement au loin, je l'avance. On est sur Canal Sud, 92.2 FM, Canal Sud.net. C'est nuisance. Le bruissement au loin, je l'avance. On est sur Canal Sud, 92.2 FM. Canaltic.net. On est sur Canal Sud, 92.2. Canaltic.net. On est sur Canal Sud, 92.2. Canaltic.net. On est sur Canal Sud, 92.2 FM. Canal Sud. Wow. On est sur Canal Sud. Pour les loups dans la presse. 92.2 FM. Canal Sud. On est sur Canal Sud. Pour les loups dans la presse. 92.2 FM. Canal Sud. Une boucle est faite pour se boucler elle-même. Une boucle est faite pour se boucler. Une boucle est faite pour se boucler. Une boucle est faite pour se boucler. C'est boucle. Boucle est faite. Boucler. Boucler. Boucler. Boucler les boucles. Boucler les boucles. Boucle. Boucle. Boucle. Boucle. Boucle. Boucle. Boucle. Boucle. Boucle. Boucle. Boucle. Boucle. Boucle. Boucle. Souple dans les boucles où on découpe la syncope. Boucle. Écoute entre les chocs. Boucle. Trou de boucle. Qu'on est souple dans les boucles où on découpe la syncope. Boucle. Écoute entre les chocs. Dans un choc brisé. Trou de boucle. Qu'on est souple dans les boucles où on découpe la syncope. Boucle. Boucle ton prout. Oula hoop looping prout. Boucle ton prout. Oula hoop looping prout. Boucle ton prout. Le tournage look express. Et l'expressément exprime-toi en boucle. Boucle ton prout. Express. Et un cri réflexe sur le trix, briser la glace. Papa son train passe. Un cri réflexe sur le trix, briser la glace. Papa son train passe. Un cri réflexe sur le trix, briser la glace. Papa son train passe. Ensemble, organisons-nous et luttons pour enrayer la machine à expulser et pour briser le racisme d'État. Ensemble, organisons-nous et luttons. Ensemble, organisons-nous et la machine à expulser et pour briser le racisme d'État. Nous, ensemble, organisons-nous et la machine. Ensemble, organisons-nous et Et c'est à ce moment-là précis qu'il faut préciser que nous sommes sur Canal Sud 92.2 FM, qu'il est 22h15 le vendredi entre 21h et 23h, c'est Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, sur donc Canal Sud au 92.2 FM ou sur www.canalsud.net sur internet et au 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, France FM ou sur www.canalsud.net au 40 rue Duméril, 31 Toulouse. Je, tu, il, nous, vous sommes illégal comme sur une île au 40 rue Duméril, 31 Toulouse. Nous vous sommes île au 40 rue. Nous vous sommes île au Polaroid. Polaroid. Nous vous sommes Polaroid. Île au Polaroid. Ah, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Île au Polaroid. Ah, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Susurrer, déclamer, chanter, écouter. Venez. Ah, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Susurrer, déclamer, chanter, écouter. Venez. Ah, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. N'est-ce pas formidable. Susurrer, déclamer, chanter, écouter. Venez. Ah, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Tu peux pas dire ça comme ça, t'sais. Il faut le répéter encore et encore pour être sûr d'avoir bien compris. Tu vois ce que je veux dire? Encore et encore, hardcore dans le silence, parler. Toujours la même chose avec moi. C'est toujours la même chose avec moi. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Peut-être. On peut pas dire quelque chose d'autre plutôt que la merde quand avec moi. C'est de la merde. Ah. Shit. Avec moi. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. On peut pas dire quelque chose d'autre en la merde. Quand en la merde. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. On attend la claire chose. On peut pas dire quelque chose d'autre en la merde. Quand en la merde. C'est la même chose. Ah. Shit. Toute personne a le droit. Personne toute droit circuler. Librement choisir résidence. Toute personne a le droit d'un État. Toute personne a le droit. Personne toute droit. Toute personne droit. Quitter librement choisir résidence. Toute personne a le droit d'un État. Toute personne a le droit. Personne toute droit. Toute personne droit. Quitter librement choisir résidence. Toute personne a le droit. Toute personne a le droit. Personne toute droit, toute personne droit, quitter droit, loisir, toute personne a le droit d'intérieur en état, toute personne tenir debout, main ouverte et 10 doigts, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, de revenir, toute personne a le droit d'intérieur en état, toute personne tenir debout, main ouverte et 10 doigts, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, de revenir, toute personne a le droit d'intérieur en état, toute personne tenir debout, main ouverte et 10 doigts, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, de revenir. Et les sans-papiers. Ou main ouverte et pourquoi les papiers le droit et qui pourquoi pas quand on a papier alors, sans payer les papiers. Le parcours d'un clandestin de son passage de la frontière à sa reconduite. Le parcours d'un clandestin de son passage de la frontière à sa reconduite. Le parcours d'un clandestin de son passage de la frontière à sa reconduite. Le parcours d'un clandestin de son passage de la frontière à sa reconduite. Le parcours d'un clandestin de son passage de la frontière à sa reconduite. Le parcours d'un clandestin de son passage de la frontière à sa reconduite. Afin de débattre ensemble par le biais du théâtre. Débattre ensemble par le biais du théâtre. Débattre ensemble, ensemble, biais, biais. Attends, biais, afin de débattre. Théâtre, théâtre. Non, non, tu cliques ensemble, ensemble. Sur le son. Voilà. Ah! Afin de débattre. Comment ça, tu peux pas continuer parce que j'ai foutu la merde dans le. Tu peux pas dire ça. Afin de débattre. C'est pas possible. On peut pas dire que les gens ils foutent la merde. Continuer parce que j'ai foutu la merde dans le. Pas dire ça. Pas dire ça. Oui. Pas dire ça. C'est pas possible. Pas dire la merde que les gens ils foutent la merde. Parce que j'ai foutu la merde dans le. Non. Pas dire ça. Pas dire ça. Pas dire ça. Non. C'est pas vrai. C'est pas possible. Je me mens depuis la merde comme ça, moi. Je me mens depuis toujours. Tu la merdes dans le. Je suis pas beau en fait. Non, je peux pas dire ça. Non, on a rien à foutre que je sois beau ou pas. Je me mens. C'est ça qui importe. Ce qui importe. Tu es beau ou pas, on marche. Je suis pas beau en fait. Je peux pas dire ça. Non, on a rien à foutre que je sois beau ou pas. Je me mens. C'est ça qui importe. Ce qui importe. Tu es beau ou pas, on marche. Je suis pas beau en fait. Je peux pas dire ça. Non, on a rien à foutre que je sois beau ou pas. C'est ça qui importe. J'ai beau ou pas en marche. Non, je suis pas beau en fait. Non, eh oui. Non, on a rien à foutre que je sois beau ou pas. C'est ça qui importe. J'ai beau ou pas en marche. Non, je suis pas beau en fait. Non, eh oui. Non, on a rien à foutre que je sois beau ou pas. C'est ça qui importe. J'ai beau ou pas en marche. Non, je suis pas beau en fait. Eh oui. Non, on a rien à foutre. C'est ça qui importe. J'ai beau ou pas en marche. Laissez-moi vous débarrasser. Laissez-la refroidir et nettoyez-la avec une éponge humide. Débranchez-la. Ne plongez jamais la bougeoire et nettoyez-la avec une éponge humide. Débranchez-la. Ne plongez jamais la bougeoire. Son socle est le fil ou la prise électrique dans l'eau. L'eau. Les connexions électriques. L'eau. Ou l'interrupteur ne doivent pas être en contact avec l'eau. Jamais la bougeoire. Son socle est le fil ou la prise électrique. N'utilisez pas les tampons à bras. Les connexions électriques. L'eau. Ou l'interrupteur ne doivent pas être en contact avec l'eau. Jamais la bougeoire. Son socle est le fil ou la prise électrique. N'utilisez pas les tampons à bras. Les connexions électriques. L'eau. Ou l'interrupteur ne doivent pas être en contact avec l'eau. N'utilisez pas les tampons à bras. Les connexions électriques. L'eau. Ou l'interrupteur ne doivent pas être en contact avec l'eau. N'utilisez pas les tampons abrasifs. Acide citrique. Ou l'interrupteur ne doit pas. 25 grammes d'acide citrique. Laissez agir 15 minutes. Un détartrant spécifique pour les bouilloires en plastique. Suivez les instructions du fabricant. 25 grammes. Videz votre bouilloire et rincez-la. Laissez agir 15 minutes. Pour un détartrant spécifique pour les bouilloires en plastique. Suivez les instructions du fabricant. 25 grammes. Videz votre bouilloire et rincez-la. Laissez agir 15 minutes. Pour un détartrant spécifique pour les bouilloires en plastique. Suivez les instructions. Videz votre bouilloire et rincez-la. Laissez agir 15 minutes. Pour un détartrant spécifique pour les bouilloires en plastique. Suivez les instructions. Videz votre bouilloire et rincez-la. Laissez agir 15 minutes. Détartrez votre filtre. Détartrez votre filtre. Suivez les instructions. Détartrez dans l'air. Détartrez votre filtre. Détartrez votre filtre. 5 fruits et légumes. Par jour à journée vos nuits, des tartes dans l'air, très votre nuire à vos jours, très votre filtre, vos détartes fruits et légumes. Dénuez la nuit, par jour à journée vos nuits, dénuez le fil du jour, très votre nuire à vos jours, à vos jours, votre filtre, là-bas, très fruits et légumes. Là-bas, dénuez la nuit, par jour à journée vos nuits, dénuez le fil du jour, très votre nuire à vos jours, à vos jours, votre filtre, là-bas, très fruits et légumes. Là-bas, dénuez la nuit, par jour à journée vos nuits, n'utilisez jamais une autre méthode de détartre que celle préconisée. Préconisée. Onisée. Isée. N'utilisez jamais une autre méthode de détartrage que celle préconisée. Préconisée. Onisée. Isée. N'utilisez jamais une autre méthode de détartrage que celle préconisée. Préconisée. Onisée. Isée. N'utilisez jamais une autre méthode de détartrage que celle préconisée. Préconisée. Préconisée. Isée. T'arrêtes. N'utilisez jamais une autre méthode de détartrage. Putain, y'a plus rien sur antenne, merde, il faudra qu'on remblaye et qu'on mette des trucs à la place, quoi. Canal Sud. Du rien. 92. Canal Sud, vous êtes sur Nuisance, Canal Sud, machin, tout ça, vous le savez déjà. Ouais. Canal Sud 92.2. 92 FM, ouais. FM. FM, ouais, carrément. Okay. Ouais, dealer, vas-y. C'est mal. Canal, ouais. Pas mal, Canal. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, c'est la merde ici, c'est la merde. On s'encule tous. Pas mal, Canal. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, c'est la merde ici, c'est la merde. On s'encule tous. Pour les bouilloires munis d'un sélecteur de température. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, c'est la merde ici, c'est la merde. On s'encule tous. Et pour les bouilloires munis d'un sélecteur de température. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, c'est la merde ici, c'est la merde. On s'encule tous. Et vas-y, vas-y, ouais, vas-y. Ouais. Comment tu peux dire ça? Ouais, c'est la merde ici, c'est la merde. On s'encule tous. Et vas-y, vas-y, ouais, vas-y. Ouais. Comment tu peux dire ça? Ouais, c'est la merde ici, c'est la merde. On s'encule tous. Et vas-y, vas-y, ouais, vas-y. Ouais. Comment tu peux dire ça? Ouais, c'est la merde ici, c'est la merde. On s'encule tous. Et vas-y, vas-y, ouais, vas-y. Ouais. Comment tu peux dire ça? Ouais, c'est la merde ici, c'est la merde. On s'encule tous. Un tour pour elle, là, ouais, vas-y. Ouais. Votre bouillon n'a pas de dommages apparents. La bouilloire ne fonctionne pas ou s'arrête avant ébullition. Vérifiez que votre bouilloire a bien été branchée. La bouilloire ne fonctionne pas. Bouilloire ou s'arrête avant ébullition. Tartre s'est accumulé. Que votre bouilloire a bien été déclenchement du système. Ne pas bouilloire ou s'arrête avant fonctionnement. Tartre s'est accumulé. Que votre bouilloire a bien été déclenchement du système. La bouilloire ne fonctionne pas. Bouilloire ou s'arrête avant fonctionnement. Tartre s'est accumulé. Excusez le problème technique, il y a un léger problème technique. C'est bon, c'est réglé. Excusez le problème technique, il y a un léger problème technique. C'est bon, c'est réglé. Excusez le problème technique, il y a un léger problème technique. C'est bon, c'est réglé. Ta maman, ton papa est le dieu des hautes sphères. Excusez notre léger problème technique. Ta maman, ton papa est le dieu des hautes sphères. Mets en marche. Ta maman, ton papa est le dieu des hautes sphères. Excusez notre léger problème technique. Ta maman, ton papa est le dieu des hautes sphères. Ta maman, ton papa est le dieu des hautes sphères. Excusez notre léger problème technique. Ta maman, ton papa est le dieu des hautes sphères. Ta maman, ton papa est le dieu des hautes sphères. Excusez notre léger problème technique. Ta maman, ton papa est le dieu des hautes sphères. Ta maman, ton papa est le dieu des hautes sphères. Excusez notre léger problème technique. Ta maman, ton papa est le dieu des hautes sphères. Ta maman, ton papa est le dieu des hautes sphères. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance, il est 22h30. Et c'est bientôt fini. La merde. C'est bientôt fini, la merde. Allô ? Tu m'entends ? Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez laisser un message après le sonore. La chambre dans l'espace. Allô ? T'es là ? T'es pas là ? T'es là ? T'es pas là ? T'es là ? Allô ? Je ne suis pas allô pour le moment, mais vous pouvez l'arrêter manuellement avant de la retirer de son socle pour servir. Selon modèle, la lumière intérieure ou le voyant lumineux s'éteindra en même temps que l'eau arrivera à ébullition. S'assurer que le bouton marche arrêt est bien sur la position arrêt après ébullition, que la bouilloire est arrêtée avant de la retirer de son socle. Ne pas laisser l'eau dans la bouilloire après utilisation. Prise multiple conseillée, déconseillée, conseillée. Pour les cons qui se sentent. Aisez, veuillez, veillez. Ah, à déverser. C'est plus honnête parfois que de mettre le doigt là où ça pique. Le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Pour un enfant, une brûlure, même légère, peut parfois être grave. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, apprenez à vos enfants à faire attention aux liquides chauds pouvant se trouver dans une cuisine. Si un accident se produit, passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appelez un médecin si nécessaire. En fait, je bouge vers le canal du midi. Je bah, crois. Après. Bah après, et donc, fait, je bouge vers le canal. Bah c'est un peu compliqué. Bah... Toi t'es vers où toi? Après. Bah après, donc. Bah c'est un peu compliqué. Toi t'es vers où toi? Après. Bah si tu veux, je t'appelle vers 11h15 quand je bouge d'ici. C'est un peu compliqué. Toi t'es vers où toi? Ça marche? Bah si tu veux, je t'appelle vers 11h15 quand je bouge d'ici. C'est un peu compliqué. Toi t'es vers où toi? Ça marche? Bah si tu veux, je t'appelle vers 11h15 quand je bouge d'ici. C'est un peu compliqué. Toi t'es vers où toi? Ça marche? Bah si tu veux, je t'appelle vers 11h15 quand je bouge d'ici. C'est un peu compliqué. Toi t'es vers où toi? Ça marche? Bah si tu veux, je t'appelle vers 11h15 quand je bouge d'ici. C'est New Age à mort, on fait de la méditation ici ou on encule le monde? On encule le monde, c'est New Age à mort, le monde. Non, c'est vrai, c'est ça. Ici, ou... on encule le monde, hein. On encule le monde, c'est vrai, c'est ça. Pour un enfant, une brûlure même légère peut parfois être grave. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, apprenez à vos enfants à faire attention aux liquides chauds pouvant se trouver dans une cuisine. Placez bouilloire et cordon bien à l'arrière du plan de travail, hors de portée des enfants. Si un accident se produit, passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appelez un médecin si nécessaire. Afin d'éviter tout accident, ne portez pas votre enfant ou bébé lorsque vous buvez ou transportez une boisson chaude. How can you say that? I don't carry my baby with a hot drink in my hands. Prologue. It's not like I'm full of shit or anything. I'm not fucking stupid, you know. I'm not fucking stupid, you know. I hate you. I hate you. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué. Dire ça après tout ce qu'on a vécu ensemble, mais comment tu peux me jeter comme une merde comme ça? Je te déteste. Elle, que la chose est importante, que je te déteste. Merde, j'ai tout gâché encore. Merde, j'ai tout gâché encore. D'un coup se déverse soudain une goutte dont je ne sais venu d'un coup se déverse soudain une goutte sourde dont je ne sais venu d'un coup se déverse soudain une goutte sourde dont je ne sais cadence d'un par inventé soudain une goutte sourde dont je ne sais lâche d'un par inventé soudain une goutte sourde dont je ne sais lâche d'un par inventé soudain. Après tout l'amour qui est entre nous, l'amour, tu le jettes à la poubelle. L'amour, c'est beau, non? Après tout l'amour qui est entre nous, l'amour, tu le jettes à la poubelle. L'amour, c'est beau, non? Après tout l'amour qui est entre nous, l'amour, tu le jettes à la poubelle. L'amour, c'est beau, non? Après tout l'amour qui est entre nous, l'amour, tu le jettes à la poubelle. L'amour, c'est beau, non? Après tout l'amour qui est entre nous, l'amour, tu le jettes à la poubelle. L'amour, c'est beau, non? Après tout l'amour. Bienvenue sur Canal Sud. L'amour, c'est beau, non? Demain. Bienvenue sur Canal Sud. Imprimé. L'amour, c'est beau, non? Mercredi. Bienvenue sur Canal CAF, Sud. Lettre, enveloppe, numéro à locataire. C'est beau, non? Photocopie, justificatif, internet compense. Lettre, enveloppe, mail, numéro à locataire. C'est beau, non? Photocopie, justificatif, internet compense. Lettre, enveloppe, mail, numéro à locataire. C'est beau, non? Photocopie, justificatif, internet compense. Lettre, enveloppe, mail, numéro à locataire. C'est beau, non? Photocopie, justificatif, Internet compense, lettre doc, mail, héros locataire, photocopie, justificatif, Internet compense, lettre doc, mail, héros locataire, photocopie, justificatif, Internet compense, lettre doc, mail, héros locataire, photocopie, justificatif, Internet compense, lettre doc, mail, héros locataire, photocopie, justificatif, Internet compense, lettre doc, mail, héros locataire, photocopie, justificatif, Internet compense, lettre doc, mail, héros locataire. Autocopie, justificatif, Internet compense, lettre doc, mail, héros locataire. Autocopie, justificatif, Internet compense, lettre doc, mail, héros locataire. Autocopie, justificatif, Internet compense, lettre doc, mail, héros locataire. Autocopie, justificatif, Internet compense, lettre doc, mais. Mais. Mais. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Être ou ne pas être, telle n'est pas la question. Suivre ou ne pas suivre, être ou ne pas être, telle n'est pas la question. Suivre ou ne pas suivre, être ou ne pas être, telle n'est pas la question. Aujourd'hui, un monde d'enfer, un monde où tout le monde vit précaire, un monde d'enfer, un monde où ne connaît pas la galère, ne connaît pas la misère. Lève-toi le matin. Et lève-toi pour ton pain. Pas la galère, me connais. Moi, pas je me lève pour mon joint. Lève-toi le matin. Toi, t'es qu'un putain de coin. Moi, je me lève pour mon joint. Lève-toi le matin. Toi, t'es qu'un putain de coin. Moi, je me lève pour mon. Ici, à Toulouse, vous êtes bienvenus à la ville de. Ici, à Toulouse. À Louse. Et oui, où il faut plus de flouze. Car sinon, c'est la Louse. Et oui, alors au lieu faut plus de, flouze, de te rapprocher de tes amis comme une ventouse, oui, alors au lieu faut plus de, flouze, de te rapprocher cours, de tes mon amis, ami, cours, ventouse, cours de cette ville, de fuis cours, ce pays, ami, fuis cet univers, cours de ces cairs, fuis ce pays, fuis cet univers. Aujourd'hui, je ne tâterai pas de rap. Car toi-même tu sais, c'est que pour mettre des claques. Ici, ça te clappe. Toi-même, tu sais, ici, on t'éclate. On met des claques. Ouais, moi, je te dis, ici, moi, je m'éclate avec mes potos. Tu sais, ici, on fait une trottinette. Ouais, moi, je te dis, moi, je m'éclate avec mes potos. Ici, on fait une trottinette. Lourd, lourd. Lourd d'un bruit sourd. Lourd, lourd. Lourd d'un bruit sourd. Lourd, lourd. Lourd d'un bruit sourd. La magie d'un mot n'est pas quantifiée, la magie des mots est simplement extrapolée. Extrapolée par rapport à notre vie est simplement extrapolée. Extrapolée par rapport à notre vie. Sur Nuisance Sonore, Canal Sud, l'émission qui est mise au sens et à tous les sens, tellement on t'inquiète, on est dans l'extrasens, extrasensoriel, toi-même tu sais, c'est hypersensoriel, on décolle, on prend la navette et on se barre. On se barre pour aller où? Je ne sais point, on bat les couilles d'ailleurs, on va parler cash, on se barre pour aller où? J'ai pas de cash. On va les caisses. On prend les cash. J'ai pas de cash. Je peux pas parler au micro. Allez, couche. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Merde. Thank you.

just don't know what it is. There is something going on. We don't know what it is. We just don't know what it is. There is something though. I can tell. Something going on. We don't know what it is. We just don't know what it is. Just don't know what it is. There's something though. I can tell. We don't know what it is. We just don't know what it is. C'est comme si something though. I can tell. Ah, tu sais. C'est comme si. Il faudrait-il que ce soit tout le temps en décalé. C'est pas comme si. Allez, calé. C'est pas comme si c'était possible. Allez, calé, calé, calé, calé. Non, non, décalé. Non. Il faudrait qu'il non. Non. Décalé. C'est pas comme si. Allez, calé. C'est pas comme si c'était possible. Allez, calé, calé, calé, calé. Non, non, décalé. Non. Il faudrait. Non. Décalé. C'est pas comme si. Allez, calé. C'est pas comme si c'était possible. Allez, calé, calé, calé, calé. Non, non, décalé. Qui n'a pas de point. Non. Décalé. Allez, calé. Et plus encore. C'est pas possible. On peut pas dire ça comme ça. Encore. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Sarmon. Gormon. Et plus encore. C'est pas possible. Sarmon. Gormon. Sadamat. Sarmon. Gormon. Et Sadamat. C'est pas possible. Sarmon. Rien peut dire tout ça. Et bien plus encore. Sarmon. Encore mourant. Un vieux corps mourant si que on avait tu pourrais quelque être. Chose croyez-vous. C'est pas comme si on avait quelque chose à dire. Un discute tremblement que... Pourquoi pas que si. Après tout, si. C'était comme si avant, c'était la même chose. Avant rien. Comme si rien n'était avant. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, depuis la nuit des âges, depuis la... La nuit des hantes. La nuit des antres. Des antres. Des antres. Des montagnes de gouffres. Si. De ces vieilles montagnes de gouffres. Et c'est au fond du gouffre que l'on sort les pioches. Des montagnes de gouffres. Et au fond du gouffre, c'est là qu'on sort les pioches. C'est là qu'on sort les dents. Des montagnes de gouffres. Dans le gouffre. Montagne of Kazen. C'est là qu'on sort les pioches. Mountains of shit. Mountains of shit. Mountains of shit. Thank you. C'est toujours la même chose avec moi. C'est toujours la même chose avec moi. On peut pas être comme ça tout le temps, la même chose comme moi, je suis tout le temps la même chose. On the way to Sarah, my carriage is fighting on. them that should free our vitality with cannons, videos, and simple teaser, and then possibly with the help of another, our boyfriends, colleagues, friends, administration, all invite us to click and get active and destructive reconstruction. Thank you. l'archi-cycle, les gissements de prosaïs, de commandes en cordes, de plus de grandes mots, de futur dans la destinée soumettre que par la fête. Tu ne m'entends pas? Toi, c'est là. Ah ouais, parce qu'il me disait qu'il avait l'impression de m'entendre. Ah ouais, tu crois qu'il t'entendait pas en fait? Parce que là, pour l'instant, on est sur l'antenne de Canal Sud 92.2 FM et c'est nuisance sur canalsud.net. Au 40 rue Alfred Dumery, 31400 Toulouse. Téléphone le 05 61 53 36 95. Mais jusqu'à présent, on n'a pas été jusqu'au bout, au fond des choses en fait. Parce que le fond des choses, finalement, il n'y en a pas, hein. On est d'accord. Hein. Au fond du gouffre, c'est la gonzor, les pioches. Dans le fond, peut-être répond des choses. Fut-il de sera devenu de plaques, carpelotes, de sujets, de salvateurs d'art, disant tout ce qu'on s'en prendra, prononcera d'omnipotence, que de plus d'ornitience, des années décennies, que du présent au passage de surconscient, absurde, le sion d'abord pour beaucoup abasourdisant aimant, dangereux de désincrénement de bien nourrir. Serait-ce dangereux de bien nourrir ses enfants? Dissociativisme, dénotitisme, frappe à Dingant, à des jovanarismes, à émissive du crête en plongée assournoyante, velours terrestre d'aliénant les points cartésiens de quelques dupliqués orgasmiques jubilatoires au carcan cinébrien, son couple d'axicrides manifestement en conclusionnade de ramassage des nos passagers sans surgissant de surchaillis sur d'autant bref sans fossiles fébrile aux grands entournements de prépondérance acculative sous-canalytique sud arbordé désembrement de sommes barbarodages du bougonnant d'autres ordupilatives des représentations. Vous avez pas tardé? Je mets un dernier truc qui pète. Thank you. Vas-y, Cyril, je mets un truc et puis je viens. Don't Que convergent les intrus, les exportants à nu. Alors si chaîne du numérique se remarque lumineuse, un sous prétexte prend un forme jusque ce que l'enfermement dans le trou du cul des câbles pèse en besoin de parfum. Je te dis, j'ai ruiné le ventre des morphées, à sa part m'a cassé. L'entrepôt porte pas tellement rite, je l'ai trop pas pour moi, j'en ai pris des terrasses. Je l'ai explosé d'un bain de la truc professionnelle sans joute de joute à leur dit. Les petits inconscients de bord. Enfin, destin brut de propre un peu soigné. Allons plus loin sans l'hérité. Que le contre-réalité d'artiste des hommes colombosement revivre à des contre-passions bibouins d'un âge de profil qui serait le bout du nez des chromatiques néo-traumatisme de l'enseignateur. La ligne d'avail de la mer qui ne semblait pas l'être émanant de piètre culte invitant toutes les soirs des mains de piètre culte. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est actuellement la fin de l'émission Nuisance. Nuisance, l'émission qui prend du sens. Ce fut sur Albatros de Xenus. C'est ça, vous pouvez le dire. Qui change la couche à Isis. Voilà, c'est ça. Imagine l'autre, son fils, il a le nom de sa mère, petit putain. C'est ça qu'il faut dire. Le nom de son fils, ça devrait être normalement le nom de sa mère. C'est bientôt la fin de Nuisance. Nuisance. L'émission qui nuit au sens. À l'insensé. L'émission insensée. Sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Le sens de l'insensé. Ciao.